Maman, par Clarisse Sandre. En ces temps de crise, où espérance et joie se brisent, tels de frêles radeaux sur le fleuve des enfers, le Styx aux eaux grises et amères, en ces temps de tourments sous le vent, la pluie, la bise, remix d'idées fixes. À l'abri d'une marquise, rêvant d'être assis sous la treille fleurie d'un jardin sans pareil, je veille, rêve et devise. Envie de soleil, de douce brise, de suivre les pas d'Armand et Louise, les vieux amants de Venise, au regard qui frise. Loin des rois entreprises, de l'emprise des parties églises, de leurs vertes rouges aux noires chemises, fuir les froides banquises, l'humide Tamise. Un voyage s'improvise ou s'organise à chacun sa guise. Mais quand, avec la maladie, la liberté s'enlise, impossible de faire sa valise. Cependant, comme toujours, maman vole au secours de son enfant. Si, parfois, en toute franchise, tête prise et cœur lourd, les éphémères colères, mère et fille divisent. Dans la douceur et le bonheur, toutes deux muettes aux aveux, préfèrent le silence vertueux, par pudeur, par peur de l'oiseau moqueur, de la fadeur ou manque de valeur de mots trompeurs et farceurs. Mais quand, au pays des râleurs et de la mauvaise humeur, d'ennui je soupire ou de douleur je délire, sur mes peurs et malheurs, à vue elle tire et me sauve, par un fou rire ou une exquise surprise. Pas de départ pour la tour de Pise, pas de Cambrai les bêtises, hier, juste de pulpeuses et juteuses cerises. Du printemps sur les lèvres, la première rouge bise. Merci maman, petite maman, véritable trésor au cœur d'or, fille du soleil aux cheveux couleur de miel. Reine du dévouement, de l'amour inconditionnel, fée au rire d'enfant, le bâton du pèlerin, le phare du marin, la lumière des sombres matins, l'étoile des nuits sans fin, le cadeau divin. Clarisse Sandre, le 25 mai 2025.